Chapitre 7. Vautré dans les coussins du divan, Husselin causait avec René Vidil, les yeux fixés sur le corps mince, effleurant du doigt les cheveux couleur de foin ou la bastide tiède de la chemisette. Il l'introduisait dans le tabernacle de son âme, et il mettait autant d'ardeur à lui révéler sa haute conscience qu'à lui décrire ses vices. Poteau jouait au piano une de ses symphonies. Rigide, les dents serrées, il abattait sur le clavier des mains énormes. Le rythme montait, s'amplifiait, s'exaspérait, puis, soudain brisé net, s'écroulait dans le vide. Valentine et Carlos entrèrent à ce moment. Pour ne pas interrompre Poteau, ils envoyèrent des saluts de la tête et de la main. Cependant, Carlos se pencha vers Fauvarc et lui glissa dans l'oreille en désignant le musicien. « À la bonne heure, voilà de la force. Moi, je suis partisan de la force. À la bonne heure, bravo. » Il avait travaillé ces derniers temps avec acharnement. Bien qu'il n'eût pas obtenu le résultat recherché, il considérait que son effort avait été fécond. C'est qu'il était parvenu à définir son but en une devise lapidaire, innover sans rebuter personne. De même que Santilès, Valentine avait beaucoup réfléchi, ce qui donnait à ses traits une fermeté plus accusée que de coutume. Elle venait vers Fauvarc résolue à ce que son amour, ce soir, fît un grand pas. Les projets de Carlos ne l'inquiétaient plus. Elle les avait soupesés, condamnés. À ses yeux, ils étaient morts. Cependant, elle s'aperçut en entrant dans l'atelier qu'elle perdait son courage, que Poteau, Husselin, Jeanne, cette musique, cette toile, la décoration des murs, les solives épaisses du plafond, et Fauvarc lui-même, tout l'arrêtait. Elle s'approcha de Husselin, qui lui désignait à sa gauche une place exiguë. Il n'avait pas manqué de reconnaître l'air de décision qui faisait ses gestes plus nerveux, et il la trouvait ainsi infiniment désirable. Tandis qu'elle s'asseyait, il couvait de regard ses épaules opulentes. « Qu'a donc votre mari ? » demanda-t-il à Valentine. « Il est congestionné, ses yeux brillent, sa coiffure est agressive. Regardez comme il se précipite sur Poteau. » Celui-ci venait d'achever sa symphonie. Déjà, Santilès s'était emparé de ses mains. Il le secouait tout entier dans un mouvement d'exaltation violente. « Ah ! S'écria-t-il, vous êtes de ces artistes comme je les aime, qui ont un idéal, qui planent, ah oui, planer !»« Vous chanterez ce soir ?» demanda Jeanne en s'adressant à un visiteur pâle, mince, grand, qui se tenait debout. C'était Maxime Legris. « Oui, je chanterai ce soir, » répondit-il d'une voix douce, en attachant longuement sur la jeune femme ses prunelles fiévreuses. Il s'adossa contre le piano où Poteau devait l'accompagner, accrocha l'une à l'autre ses mains diaphanes, et tout de suite le chant s'envola. La face levée, le chanteur suivait les paroles qui sans effort montaient de lui et tournoyaient sous le plafond dès qu'il ouvrait les lèvres. « Chère Ivanova, aime-moi le fou, aime-moi l'idiot, aime-moi le seul, chère Ivanova. » Il chanta l'une après l'autre plusieurs mélodies de Mouzgorski. Il leur donnait un accent de vérité qui les élevait à la hauteur d'un spectacle tragique. Soudain, il baissa la tête, plia son corps, de sa bouche ouverte jaillit un son formidable. Un frisson traversa Carlos. « Vraiment, balbutia-t-il, c'est prodigieux. Regardez cet œil bestial qu'il prend lorsqu'il chante le Diepner, un œil bestial qui semble suivre de loin le flot immense du fleuve. Ah, ce pauvre garçon se tue pour l'amour du chant. Je salue très bas cette abnégation, ce courage, cette foi. Je les salue très bas. » Il considérait le visage exsangue où la peau masquait à peine les cavités des os. Il s'apitoyait à voir se balancer ce corps martyrisé de chanteur maigre. Et tandis que l'hymne sauvage éclatait, il voyait surgir derrière Maxime Legris une image éclatante, un soleil, la face de l'art elle-même, pathétique et douloureuse. « Je n'ai jamais vu Santilès dans un pareil état, » reprit Husselin. Il recevait la chaleur de Valentine et de René. Il se laissait rêver qu'il était assoupi dans un lit de chair parfumée dont ces deux femmes constituaient les rebords vivants. Il fit signe à Valentine qu'il avait encore un mot à lui dire. Elle se pencha, il lui glissa dans l'oreille. « C'est vous que j'aime. » Elle sursauta, jetant un regard effaré du côté de Fauvarc. Est-ce qu'il l'aurait déjà eu ? Se demanda Husselin en surprenant ce geste. Pas encore, mais il est temps d'agir. Son plan était prémédité. Il savait ce qu'il avait à dire et par quelle voie précise il détournerait de Fauvarque Valentine avec tout son besoin d'aimer. Il l'attira, l'obligeant à l'écouter. « Vous avez vu les dernières toiles de notre ami ?» lui souffla-t-il. « Regrettez-vous toujours de l'avoir connu ?» La pénétration de Husselin était notoire. Valentine ne douta pas qu'il n'eût deviné son amour. Elle se tourna donc de manière à surprendre l'expression de son visage. Elle rencontra des yeux imperturbables. « Quel merveilleux bonhomme » reprit-il avec enthousiasme, bien qu'il parlât tout bas. « J'ignore si c'est une impression qui m'est particulière, mais il y a des minutes où je ne sais plus quelle sorte d'être j'ai devant moi, si c'est mon semblable, si c'est un dieu, ou si, plus simplement, c'est moi qui suis un crétin. » La sincérité de l'accent désarma Valentine. Elle crut ingénument avoir trouvé un confident. Son amour pour Fauvarque lui cachait à cette minute celui que Husselin nourrissait pour elle, qu'il était profond, patient, et dont il lui avait donné des preuves. Elle rougit. « Oui, je sens comme vous, » dit-elle. Il sourit d'un imperceptible sourire, s'effaça comme s'il allait cesser de parler. Ensuite, il revint doucement. « Et puis la pureté de sa vie, » murmura-t-il. Elle se pencha davantage, attendant la fin de cette phrase qui avait résonné en elle d'une manière étrange parce qu'elle lui semblait rappeler quelque chose. Il lui confia d'une voix grave, tout bas, « C'est un apôtre !» Au bout d'un nouveau silence, il leva la main et dit « Que de fois j'ai tenté de suivre son exemple. J'ai voulu vaincre la fange, me rendre pure. Mais non, la femme m'occupe au-delà même de la raison. Pour moi, la chair compte. Je connais ses ressources. Je l'exploite avec un raffinement détestable. » Valentine le regardait maintenant avec des yeux inquiets. Ses paupières battaient en de rapides convulsions. Elle hasarda un sourire maladroit, une question bien inutile, preuve tangible de son angoisse. « Alors, pour lui, fit-elle la femme, ne compte pas ?» De la tête les lèvres serrées, il fit signe que non. Elle éclata de rire nerveusement. L'écrivain se dit, elle l'a cru. Familier avec les brusques revirements de la passion, il savait que, lorsque Valentine serait détrompée, l'heure de Fauvarque aurait passé. Il eut un sentiment de joie à songer que l'amour de cette femme était son ouvrage à lui, et qu'il venait de lui porter un coup mortel. Mais il devait encore guetter l'instant favorable, et par une suprême manœuvre, ranimer cet amour et l'attirer à lui. Il s'enfonça dans ses coussins, croisa les bras, faisant la solitude autour de Valentine. Ses larmes la serraient au gosier. Avec effort, elle reporta son attention sur Maxime Legris. Comme à travers un songe épais, elle comprit que Jeanne lui demandait le Diepner pour la troisième fois. Une lueur d'égarement éclaira les prunelles du malade, mais il obéit docilement et chanta. Bientôt ses longues jambes vacillèrent, sa voix faiblit, une ombre passa sur son visage. « Qu'y a-t-il ? » demanda Poteau. « Rien, je pense à autre chose. « Il faut vous reposer, » ordonna Fauvarque en avançant un siège. Poteau et lui branlaient la tête. « Tu lui as touché les épaules, » murmura le peintre à l'oreille de son ami. « Il est déjà tout écharné. On devrait lui conseiller de s'arrêter, de se soigner. » « On ne s'arrête pas, » répondit simplement Poteau. Il était déjà tard, mais personne ne se retirait. Poteau se mit au piano et joua le prélude des fugues de Bach. « Jamais je n'aurais cru une telle puissance possible, » se dit Santilès. Il n'avait pas cessé d'admirer, d'être ému, de s'exalter au cours de cette soirée. À présent, tout son être accueillait l'œuvre géante. Un souffle de conquête le portait. La masse de son cerveau brillait comme un diamant à mille facettes. C'était des pétillements d'idées, un élan d'intelligence, une grisante sensation de tumulte et de lumière. Les projets qu'il avait remués prenaient vie, et Carlos eut soudain la vision de son œuvre future. Elle était là. C'était une construction immatérielle mais logique et complète. Elle était en suspens dans sa conscience. À mesure que les sons s'étageaient sous les doigts de Poteau, le mirage prenait des couleurs plus vives et l'apparence de la réalité. Carlos allait crier « Regardez-moi, je tiens mon œuvre !» Mais il se sentait fort et préféra rouler sa joie en lui. « C'est bien cela, mon coup de pinceau, mon dessin. Je reconnais mon esprit, mes recherches. À présent, je sais, je ne m'écarterai plus. » Ses yeux se posèrent sur Poteau, sur Fauvarc, sur Ucelin, sur Maxime Legris. Il reconnut en eux des habitants du monde enchanté où il venait d'aborder. Leur front, leurs yeux, leur voix, l'ensemble de leur personne avaient acquis une noblesse inattendue, impressionnante. De même, l'étoile de Fauvarc lui parurent transfigurées. Son passé défila au pied du haut promontoire où il venait d'accéder. D'un coup d'œil, il en sonda l'artifice, en mesura le vide. Pas un acte, pas un tableau qui fût véritablement le reflet de lui-même. « Erreur, erreur !» répétait Centilès. Et son cœur repoussait, devant ses gestes vains, ses années perdues. Il se mit à rêver, debout, les bras croisés sur sa poitrine, le front penché vers le sol. Au bout d'une longue pause, ayant épuisé sa sensation, il éprouva le besoin qu'on remarquât son attitude. Il hocha la tête, puis il s'approcha du groupe des hommes qui discutaient près du piano, à l'exception de Ucelin, enfoui sous les deux femmes et devenu presque invisible. Centilès dit à Poteau : « Savez-vous ce que je fais ? Je regarde. Il y a 10 minutes que je regardais et que je vois. Ah, vraiment, c'est une chose qui me paraît extraordinaire. » Poteau, déjà prévenu contre les déclamations de Centilès, lui montra un visage renfrogné. Mais Centilès insista et dit : « Je voudrais me faire comprendre, monsieur Poteau. J'aime tout ce qui est beau. Mais la beauté est chose qui se cache et difficile à découvrir. Peut-être aurais-je ri. Je crois que j'aurais ri si vous m'aviez dit, il y a un mois, que parmi les hommes que j'admirais également, il y en a qui ne sont rien, d'autres qui sont presque des dieux. » Il avait élevé la voix progressivement. Un mouvement d'attention se produisit. Ce fut l'instant que choisit Ucelin pour se lever et chantonner tout bas dans l'oreille de Valentine. « Aime-moi le fou, aime-moi l'idiot, aime-moi le seul. » Elle s'écarta vivement, cherchant à deviner si l'on avait entendu. Mais Ucelin, qui prévoyait le geste, s'était saisi impérieusement de sa main sous les plis de la robe. Elle ne résista pas. La déception qu'elle venait d'éprouver à propos de Fauvarc la remplissait de doutes sur elle-même et la laissait dans une sorte de stupeur. Ses yeux s'étaient portés plusieurs fois, timidement, sur Fauvarc. Elle voyait une statue de bronze dans le couloir froid d'un musée, et son amour qui n'était pas mort, vide de toute son énergie, demeurait chancelant et perplexe. L'étreinte de Ucelin lui rendit son assurance et fit naître un calcul dans son cœur. Elle se dit qu'elle avait besoin de réfléchir avant de repousser une fois de plus cette tendresse éprouvée. « Carlos, il est tard, » fit-elle cependant, vaguement inquiète en voyant gesticuler son mari, et aussi parce qu'elle avait besoin de se recueillir. « Non, répondit Centilès, il n'est jamais trop tard. Il y a 1 minute dans la vie où il faut savoir être sincère. Moi, jusqu'ici, j'ai tout confondu, l'art et ce qui n'est pas l'art, les grands artistes et les petits hommes. J'ai cru que j'étais un véritable peintre, et je ne savais pas même distinguer. » Valentine l'interrompit. « Ne plaisante pas sur un sujet qui est grave, dit-elle. Je crois qu'il est temps de partir. » Mais Carlos se sentait beau dans sa confession. « Ah, vraiment ? « Je vois que tu as peur, dit-il. Moi pas. Je démolis, mais je reconstruirai. J'efface. Carlos Centilès dans le passé pour inscrire en lettres d'or. Carlos Centilès dans l'avenir, en lettres d'or, dans l'avenir. » Cette parole de foi s'acheva dans l'angoisse. Centilès se tut brusquement et pâlit. En évoquant l'avenir, il ne retrouvait plus la vision magnifique qui, tout à l'heure, l'avait révélée à lui-même. Au choc des émotions éprouvées cette nuit, une lueur avait envahi son esprit. Mais il avait à peine détourné la tête qu'elle s'était écroulée. Étincelle de génie qui s'élève, brille un instant et s'éteint.